Y'all welcome in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Today we will continue with our message that we started on Sunday. What can we not live for Christ? Amen. Amen. What can we not live for Christ Jesus? Aujourd'hui, on va commencer avec le sujet, ou bien continuer avec le sujet sur la question, qu'est-ce que tu ne peux pas laisser pour Jésus-Christ? Praise the Lord. Alléluia. What can we not live for Christ Jesus? Was können wir für Christus Jesus nicht zurücklassen? Qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser pour Jésus-Christ? And that is our message that we are going to continue with today. Amen. Und das ist die Botschaft, mit der wir heute weitermachen. Et ça, c'est le message avec lequel on va continuer aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. Peter said we left all. Jesus hat gesagt, dass wir alles verlassen haben. Et Pierre a dit que nous avons tout quitté. Amen. There's nothing we did not leave. Es gibt nichts, was wir nicht verlassen haben. Il y a rien que nous avons pas quitté. That's what Peter said. Das hat Petrus gesagt. C'est ça ce que Pierre a dit. We did not keep anything away from him. Wir haben nichts vorenthalten. Amen. Et on a rien retenu de Jésus Christ. We left everything because of him. Wir haben alles verlassen wegen ihm. On a tout quitté pour Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. On Sunday we talked about one God, one Son and one Father. Am Sonntag haben wir über einen Sohn, einen Gott und einen Vater gesprochen. Le dimanche nous avons parlé sur un fils, un père et puis un Dieu. Amen. And all these, they are all according to the kingdom of heaven. Und all das ist nach dem Königreich des Himmels. Et tout cela est basé sur le royaume des cieux. Amen. Amen. In the natural world, one God, one Son, one Father, they are all different. In der natürlichen Welt ist ein Sohn, ein Vater, ein Gott, alles unterschiedlich. Mais au monde naturel, il y a des fils, des pères et des dieux différents. Today we go into one family. Heute sprechen wir über eine Familie. Mais aujourd'hui on parle d'une famille. And many other things that the Lord has for us. Und viele andere Dinge, die der Herr für uns hat heute. Et beaucoup des autres choses que Dieu a pour nous. Amen. Amen. You know, all this one means a lot. All dieses 1-1-1 bedeutet eine bestimmte Sache. Et puis tout ce qu'on parle sur une chose, là, par exemple, il y a un fils, un Dieu, il y a beaucoup de choses. It means others must go. It's only Christ that must remain. Das heißt, alles andere muss gehen, nur Christus bleibt. Ça signifie toute autre chose doit partir, puis seulement le Christ reste. It means we allow him to come in, then help us to take others away. Das heißt, wir lassen zu, dass er reinkommt und das wird helfen, alles andere rauszuhalten. Ça signifie qu'on permet que Dieu entre dans notre vie puis qu'il enlève toute autre chose. We allow, you know, we allow him to come and take away what religion have taught us. Mm-hmm. He take them away. Wir lassen, dass er reinkommt, damit er das wegnimmt, was Religion uns beigebracht hat. On permet que le Christ entre dans notre vie pour enlever tout ce que la religion nous a montré. Amen. Amen. We allow him to come in, then he takes away all the lies of Satan. Er kommt rein und wir lassen ihn rein und er nimmt die Lügen Satans weg. Et quand il entre, il enlève chaque mensonge du diable. Praise the Lord. Amen. James 4, verse 7. Jakobus 4, vers 7. Jacques 4, verset 7. Amen. It means you allow him to come in. And once he come in, take away what is the... Whatever is not from him, take them away. Du lässt zu, dass er reinkommt, damit alles, was nicht von ihm ist, er wegnimmt. Et tu permets que le Christ entre dans ta vie pour enlever tout ce qui n'est pas du Christ. Whatever has been in us that they are not from him, we take them away once you allow him to come in. Was immer in uns war, was nicht von ihm ist, er nimmt es weg, wenn wir zulassen, dass er reinkommt. Et dès que le Christ entre dans notre vie, il enlève tout qui n'est pas de Dieu. He says, submit yourself therefore to God. Allow him to come in. Mm-hmm. Amen. Wir sollen uns Christus hingeben. Lass zu, dass er reinkommt. Verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. On doit permettre que Dieu entre dans notre vie. Amen. Amen. Then resist the devil and he will flee from you. Then, once you allow him to come in, he will take whatever is not of him away from you. Genau, widersteht dem Teufel, er wird vor euch fliehen, weil wenn du ihn reinlässt, wenn du ihn Christus reinlässt, wird er alles wegnehmen von dir. Was nicht zu ihm gehört. Apprend à écrire, résister au diable et il fuira loin de vous. Quand tu résistes au diable, là, il va fuir loin de toi. Without him, you cannot take away what is not from him away from you. Ohne ihn kannst du nicht das von dir wegnehmen, was nicht von ihm ist. Et sans Dieu, le diable ne peut Also ohne ihn kannst du nichts von dir wegnehmen und von nichts freikommen, was nicht von ihm ist. Donc tu as besoin de Dieu pour qu'il enlève tout qui est en toi qui n'appartient pas à Dieu. Flesh and blood cannot take away those things that are in you. Mm-hmm. Denn Fleisch und Blut können die Dinge, die in dir drin sind, nicht wegnehmen. Parce que la chair ne peut pas, la chair et le sang ne peuvent pas enlever oui les choses qui sont dans ton corps. It's only the spirit that can deal with the spirit. Nur der Geist kann mit dem Geist kann den Geist bekämpfen. Et seulement l'esprit peut combattre l'esprit. God is spirit. Gott ist Geist. Dieu est esprit. It means Christ is spirit. Das heißt, Christus ist Geist. Das signifie le Christ est esprit. Once you allow him to come in. Wenn du zulässt, dass er reinkommt. Quand tu permets qu'il entre. Take away those things. Nimmt er diese Dinge weg. Yeah, those things are also spirit. Diese Dinge sind auch Geist. Il va enlever tout qui est pas de Dieu en toi, parce que ces choses-là sont aussi spirituelles. But they belong to Satan. Aber sie gehören zum Satan. Mais ils appartiennent au diable. Christ and them cannot live together in you. Christus und sie können nicht zusammen in dir leben. Parce que le Christ et le diable, les choses du diable ne peuvent pas vivre en toi. He said you cannot serve God and mammon. Tu kannst Gott dienen und den Mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et le mammon. One must live for the other. Einer muss für den anderen leben. Also einer muss den Platz frei halten für den anderen. Parce que frei machen une personne bien oui, une personne doit laisser la place pour l'autre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Now we will deal with that of, we start with one family. Amen. We only have one family on earth. Jetzt fangen wir an mit dem Thema eine Familie. Families. Wir haben nur eine Familie auf Erden, nicht zwei. Maintenant, on commence avec le sujet de la famille. Nous avons seulement une famille et pas deux ici sur terre. The Lord wants us to know that we don't have two families. Der Herr will, dass wir wissen, dass wir nicht zwei Familien haben, sondern eine Familie. Et Dieu veut qu'on sache qu'on n'a pas deux familles, mais seulement une famille ici sur terre. Praise the Lord. Hallelujah. Stop claiming the old as your family. Hör auf, die alte Familie als deine wahrhaftige Familie anzusehen, danke. Et arrête de voir ta famille ancienne comme ta propre famille. Let the past pass away. Lass zu, dass die Vergangenheit vergangen ist. Permet que le passé reste au passé. Stop accepting the old as your family. Hör auf, das Alte als deine Familie zu akzeptieren. Arrête de voir ta famille ancienne ou bien charnelle comme ta famille. Jesus did not accept the old. Jesus hat das Alte nicht akzeptiert. Parce que Jésus n'a pas accepté l'ancien. Matthäus? Matthäus 12. On va lire Matthieu 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Matthäus 12. Matthieu 12. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 46 Matthäus 12, 46 bis zum Ende. Matthieu 12, verset 46 jusqu'à la fin. Amen. Here Jesus is talking about the family. Jesus spricht über die Familie. Ici, Jésus-Christ parle de la famille. Praise the Lord. Amen. You know, he came to teach us how to live like he. Er kam, um uns beizubringen, wie er leben. Et Jésus est venu pour nous montrer comment vivre comme lui. He came as a son of God to live us how to live. Er kam als Sohn Gottes, um uns zu zeigen, wie man als Sohn Gottes lebt. Il est venu comme fils de Dieu pour nous montrer comment vivre comme un fils de Dieu. He came as a son of God to teach us how to live like sons of God. Er kam uns zu zeigen, wie man als Söhne Gottes lebt hier auf Erden. Amen. Il est venu pour nous montrer comment vivre comme fils de Dieu ici sur terre. He said we don't have two fathers on earth but one. We don't have two, you know, two sons on earth but one. And now you know, also the two fathers on earth, but one. Not two gods, but one. And also now, one family, and not two families. Er kam, um zu zeigen, dass wir eine Familie haben, einen Vater haben, und, genau. Ein Sohn. Nous n'avons pas deux fils ici, mais seulement un fils. Nous n'avons pas deux dieux. Mais seulement un Dieu. Et c'est comme ça, Jésus-Christ est venu pour nous montrer tout cela. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you are a son of God, Jesus came to teach you how to live. Wenn du ein Sohn Gottes bist, dann hat Jesus Christus dir gezeigt, wie du als Sohn Gottes leben sollst. Et si tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, ça signifie que Jésus-Christ est ton exemple, il est venu pour te montrer comment vivre comme un fils de Dieu. Amen. Amen. Yes, not for religious people. Das ist nicht für religiöse Leute gedacht, sondern für Söhne Gottes. Amen. Et ce n'est pas pour des gens religieux, mais pour des fils de Dieu. And that's why they cannot even understand it. Deswegen können sie das nicht verstehen. C'est ça pourquoi ils ne peuvent pas le comprendre. All this are mystery that we that the Holy Spirit is helping us to understand. One all of them. One of Geheimnisse, the die der Herr uns erklären möchte. Et tout cela sont des secrets que le Saint-Esprit doit te révéler. He said, while he yet talked to the people, behold, his mother and brethren stood with her, desiring to speak with him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The family came. Die Familie kam. La famille est venue. Well, people will say they are family. Was Leute als Familie bezeichnen, die man nicht ignorieren darf. Et oui, on peut voir que le monde appelle certains gens ta famille, les gens que tu ne peux pas ignorer selon le monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then one said unto him, behold, your mother and your brethren stand without desiring to speak with you. Verse 48. But he answered and said unto him that told him, who is my mother and who are my brethren? Who are my family? Wer ist meine Familie? Fragt er. Jésus-Christ demande qui est ma famille. Amen. Mm. Praise the Lord. Mm. We better just learn to live like him. That's his life. Das ist sein Leben. Et apprendre de vivre comme Jésus-Christ apprend sa vie. It cannot be two, but one. Es kann nicht zwei sein, sondern es muss eins sein. Tu ne peux pas vivre selon deux façons, mais ça doit se mettre. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Matthew 6, he said, you cannot serve God and mammon. You cannot be two. Steht, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen, du kannst nicht beiden dienen. Et la Bible nous dit, on ne peut pas servir Dieu et le mammon, on ne peut pas servir deux dieux. Amen. Amen. He is introducing his family here. Er stellt uns hier seine Familie to the vor. Natural family. The true family to the natural family. And he's telling the natural family you are no longer there. Er sagt der natürlichen Familie, dass sie nicht mehr die eigentliche Familie sind. Et ici on peut voir dans verset 46 jusqu'à verset 48 que Jésus-Christ présente sa famille charnelle, sa vraie famille en Christ. And he stretched forth his hand towards his disciples. Verse 49. And said, behold, my mother and my brethren. Praise the Lord. For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, my sister, and my mother. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that it's just one family. You can see it's nur eine Familie. Tu vois qu'il s'agit seulement d'une famille. Amen. Amen. Jesus said he only have one. Jesus sagt, er hat nur eine. Jésus a dit il a seulement une famille, pas deux. Und nicht zwei. Amen. Amen. He did not say you are my family, but these people also are my family. Er hat gesagt, ihr seid meine Familie, aber diese Leute da sind auch meine Familie. Il n'a pas dit vous êtes ma famille, mais les autres là aussi sont ma famille. Amen. Amen. Until you come to me, you are not my family. Erst wenn ihr zu mir kommt, seid ihr meine Familie. Et Jésus a dit jusqu'à ce que vous venez chez moi, c'est là où vous êtes ma famille. And until it is all about me, alone. Erst wenn du die true God, you are not my family. Erst dann gehört ihr zu meiner Familie. Et seulement quand il s'agit seulement de moi pour vous, c'est là où vous êtes ma famille. Amen. Amen. Again, he came to teach us how to live his life. Er kam uns beizubringen, wie man sein Leben lebt. Encore, Jésus-Christ est venu pour nous montrer comment vivre sa vie comme fils de Dieu. He came to teach us how we will never open the door for Satan and his lies. Er kam uns beizubringen, wie wir die Tür niemals öffnen für den Satan und seine Lügen. Il est venu pour nous montrer comment jamais ouvrir la porte pour le diable et ses mensonges. Amen. You know, Satan and his lies. His lies, you know, he uses the flesh so much. Er nutzt das Fleisch so sehr. Le diable et ses mensonges, il utilise vraiment la chair tellement pour pour nous manipuler. Go to Luke 11. Lucas 27. Luke 11 verset 27. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Here you will see how clever Satan is. Hier siehst du, wie schlau der Satan ist. Es geht hier nur um das Fleisch. Et puis ici, on peut voir comment le diable est rusé et puis il s'agit seulement de la chair pour lui. Verse 27. And it came to pass, as he spilled these things, a certain woman of the companion lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked. Can you see how Satan is so clever? Bitte, wie Satan so schlau ist. More clever than him. Wir müssen schlauer als er sein. Et puis, vous pouvez voir comment le diable est tellement rusé. Ça signifie qu'on doit être même plus rusé que le diable. He passed through that of Matthew, your parents. And now, the breast you suck. And the womb where you came out from. But he said, yea, rather, blessed are they that hear the word of God. Er hatte erstmal die Situation in Matthäus ne? und dann in die Situation hier in Lukas, ne, wo jemand fragt, wo jemand sagt, dass er, dass seine Mutter sozusagen, seine physische Mutter, die ihm im Leib getragen hat, gesegnet ist. Et si on compare ces deux passages, on peut voir comment le diable a essayé de Oui, d'agir dans Matthieu à travers sa famille charnelle, ses frères et sa mère. Et puis ici, on voit encore une autre voix qui parle à Jésus-Christ qui dit heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Donc, il s'agit seulement pour de la chair pour le diable. Attends, Jésus. That he was so rooted in himself, in the truth. Ich danke Jesus, dass er so sehr verwurzelt war in sich selbst, weil er die Wahrheit ist. Et je remercie Jésus-Christ qu'il est vraiment enraciné dans la vérité parce que lui-même il est la vérité. He never allowed Satan to get him in any way. Er hat niemals zulassen, dass Satan ihn irgendwie packt. Il a jamais permis que le diable l'attrape dans une façon. You know, he will go through here. If he did not, he will go through another way. Denn you always look for ways. Der Satan sucht immer nach Wegen, um halt zu stehlen, töten, zu zerstören. Et on peut voir comment le diable il cherche toujours des portes pour détruire et pour tuer. Even the old Abraham only have one family and not two. Selbst im alten Bündnis hatte beispielsweise Abraham nur eine Familie und nicht zwei. Et même dans l'ancien Alliance, on peut voir qu'Abraham avait seulement une go famille. To Genesis 12. Let's go there. Pas again, deux please. Familles. We are there on Sunday. Amen. Genesis 12. 1 Samuel 12. On va lire Genèse 12. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 1. Genèse 12, verset 1. It said, Now the Lord has said unto Abraham, Get thee out of your country. Your country. You now have one country, which is Denn du hast jetzt ein Land und das ist der Himmel. Donc tu as seulement un pays et puis c'est le royaume des cieux. You no longer belong to the kingdom of this world. Du gehörst nicht mehr zum Königreich dieser Welt. My kingdom is now your kingdom. Mein Land, mein Königreich ist jetzt deins. Tu n'appartiens plus au royaume de ce monde, mais tu appartiens à mon royaume parce que mon royaume est aussi ton royaume. And from the family, you see it there, the kindred. And from your kindred. Praise the Lord. Hallelujah. From the family, the aus der Familie, aus der toten Familie raus. Donc, Dieu dit à Abraham qu'il doit sortir de sa famille qui est morte. Amen. Mm-hmm. You don't belong there any longer. Denn du gehörst nicht mehr dorthin. You only have one family and that is me. Du hast nur noch eine Familie, das bin ich. Das war selbst im alten Bündnis Et so. La Bible dit que tu n'appartiens plus à ta famille charnelle qui est morte. Même dans l'Ancien Testament, on peut le voir clairement. And from your father's house. From your father's house. Amen. The house that has been so comfortable for you. Das Haus deines Vaters. Das Haus, was so gemütlich war für dich. You know, your mother's house. You know, the old house. Praise the Lord. Il dit encore, sort de la famille de ton père. Donc, la maison qui a été confortable pour toi. Amen. The family that has been so good, maybe even to him. Or for him. Das Haus deiner... Eltern beispielsweise, was so gemütlich und so schön gut war. Oder die Familie, die immer für dich da war, die alles für dich gegeben hat. Er sagt, raus da. Et donc, c'est la maison qui a toujours été confortable pour ta chair, puis tu quittes aussi les gens qui ont toujours été bons envers toi, qui ont toujours été là pour toi. The family you have been living with for years. Die Familie, mit der du jahrelang zusammengelebt hast. La famille avec laquelle tu vivais pour des années. The people you know as your family for years upon years upon years. Die And Leute, now the Lord is saying, leave them. Die du jahrelang als deine Familie anerkannt family, hast. The only family you know. Sollst du jetzt verlassen auf die Anweisung des Herrn. Donc, Dieu te dit de quitter la famille que tu as été avec laquelle tu as toujours été habitué, puis les gens qui ont été toujours ta famille pour toi, Dieu te dit de les quitter. The family Satan have for you. Die Familie, die der Satan für dich hat. La famille que le diable a pour toi. He now said I have my own family for you. Er sagt jetzt, ich habe jetzt meine eigene Familie für dich. Et Dieu dit que j'ai maintenant ma propre famille pour toi. Amen. Matthew 4:17. Matthew 4:17. Say repent, for the kingdom of God is about to come. Another family, you are going to belong to another family. Denn das Königreich Gottes ist nah. Du wirst zu einer neuen Familie gehören. Et dans Matthieu, on a écrit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, repentez-vous parce que vous appartenez maintenant à une nouvelle famille. Be ready. Get ready for another family. Mach dich bereit für eine neue Familie. Et soyez prêt pour une nouvelle famille. Amen. No natural parents will love this. Aber natürliche Eltern werden das nicht lieben, diese Botschaft. Mais les parents naturels ne vont pas aimer ce message. Amen. No religion will love it at all. Religion wird diese Botschaft nicht lieben. Et aucune religion va aimer ce message. It takes the power of the Holy Spirit. And you be matured in the Holy Ghost to say yes and love it. Die Kraft des Heiligen Geistes und reif zu sein in Christus, um diese Botschaft zu lieben. Et tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour aimer ce message, puis même aussi ta maturité compte aussi pour aimer ce message. Go to Hebrew, please. Hébrien. Hébreu. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hébreu. Hébrien. Hébreu. Hébreu 11. Hébreu 11. Hébreu 11. Verse 15. Hebrews 11, verse 15. Hebrews 11:15. Amen. He said, "And truly, if they have been mindful of that country from whence they came out, if they have been, their mind have been occupied by the old family." Wären ihr Gedanken umgeben von der alten Familie? Leur pensée était remplie de la famille ancienne. The old. Das Alte. If you allow the old to occupy you, wenn du zulässt, dass das Alte dich umgibt, with it. Bist du versucht mit dieser Sache, die in deinem Kopf ist. Et si tu permets que tes pensées soient remplies de l'ancien, là, tu vas toujours être tenté de rentrer. Don't allow them to be where Christ wants to occupy your heart. Lass nicht zu, dass sie den Platz von Christus in deinem Herzen einnehmen. Mais ne permet pas que ces gens, mais l'ancien, prennent la place où Jésus-Christ devait être. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. You know what is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? Verset 15, on a écrit, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Demande-toi, qu'est-ce que remplit tes pensées? If it is difficult for you to get out of them, it means your mind is so occupied with them. Wenn es dir schwerfällt, aus ihnen rauszukommen, dann saying. Heißt, dass deine Gedanken noch voll sind von ihnen. Et si c'est vraiment difficile pour toi de quitter ta famille, ça signifie que tes pensées sont toujours remplies de ta famille. If it is so difficult for you to leave them for Christ. Wenn es dir so schwer fällt, sie zurückzulassen für Christus. Si c'est vraiment difficile pour toi de les quitter pour Jésus-Christ. It means your heart is occupied. Dans ton Herz. They occupy your heart. You allow them to occupy your heart. Du lässt zu, dass sie dein Herz umgeben. Ça signifie que c'est toi qui es la personne qui permet qu'ils occupent ton cœur. Isaiah 26. Isaiah 26. Isaiah 26. Praise the Lord. Oh, yeah. We are not different from Abraham. Wir sind nicht anders als Abraham. Nous sommes pas différents à Abraham. Amen. He said if his heart was occupied with the past, he could have returned. Er sagt, wenn sein, sein Herz umgeben gewesen wäre von der Vergangenheit, wäre er zurückgegangen. Et la Bible nous dit que si le cœur d'Abraham était rempli du passé, là, il pouvait rentrer. If you believe like Abraham, you get the same result like Abraham. Wenn du so wie Abraham glaubst, wirst du die gleichen Ergebnisse bekommen wie Abraham. Et si tu crois comme Abraham, tu auras aussi les mêmes résultats comme Abraham. You know Abraham. Why? Wisst ihr wieso? Tu sais pourquoi? Because God is no respecter of a person. Weil Gott niemanden bevorzugt. Parce que Dieu ne valorise pas une autre personne. Verse 3 of Isaiah 26. Isaiah 26, verse 3. Amen. How to have God kind of peace. Wie wir Gottes Frieden haben. Comment avoir la paix de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. How to have his own kind of peace. Wie wir seine Art von Frieden haben. Comment avoir la paix de Dieu. He said that we keep him in perfect peace. Whose mind is stayed on thee, and not on the family, and not on those whatever it is outside. Whose mind is stayed upon thee, because he trusted in thee. Praise the Lord. Halleluja. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut und nicht auf die Familie, nicht auf die Vergangenheit. Verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi, il se confie en Dieu et pas à la famille. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Abraham never allowed the past, including the past family, to occupy his heart. Er hat nicht zugelassen, dass die Vergangenheit und die vergangene Familie sein Herz umgibt. Et Abraham n'a pas permis que, oui, sa famille charnelle occupe son cœur. There's no anywhere in the Bible that he was struggling. It was a problem for him. You know, to get rid of the past. Because his heart, he allowed the Lord alone to be in his heart. Es gibt keine Stelle, wo er damit kämpft, die Vergangenheit loszulassen, sondern weil sein Herz umgeben war vom Herrn. Il n'y a pas un passage, dans la Bible qui montre que c'était difficile pour Abraham de quitter sa famille, parce que dans la chair, ça fait vraiment mal, c'est difficile. You know, today we see how, you know, we always talk about how hard it is for us. Because, you know, it shows what we allow to come, to live into us and continue to be there. Sprechen wir ständig darüber, wie hart und wie schwierig dieser Weg ist. Aber es ist auch, es hat viel damit zu tun, weil wir so viel noch mitschleppen, so viel noch mit unseren Gedanken mit auf diesen Weg nehmen. Mais aujourd'hui, on parle toujours de, oui, on dit toujours que c'est vraiment difficile pour nous de quitter nos familles, mais ça montre seulement que nos cœurs sont vraiment remplis de la famille Chanel. Praise the Lord. Hallelujah. Now back to the new. Paul left the old. The New Testament, amen. Paul, for example, he left the old and he called the old dung. Paul hat das alte verlassen. Your family shit. Neue. Akzeptiert im Christus. Er hat das alte Mist genannt. Et même au Nouveau Testament, on peut voir comment Paul a quitté l'ancien. Il a dit que l'ancien est la poubelle. C'est nul. Amen. He called the old dung, including the old family, the past family, the one-time family. Er hat die Vergangenheit, die vergangene Familie, die vergangenen Errungenschaften, alles Mist genannt. Et Paul a appelé sa famille ancienne, il a appelé son passé en général. Il a dit que c'est la poubelle. Pour lui, c'est nul. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The family that is now, you know, they say no to the only true God. Die Familie, die Nein sagt zum einzig wahren Gott, aber Religion akzeptiert. Die Familie, die Nein zum wahrhaftigen Gott sagt, aber ja zur Religion sagt, das hat er zurückgelassen. Et puis Paul a quitté la famille qui accepte la religion mais qui refuse la vérité qui est Jésus-Christ. What is the difference between we and them? Was ist der Unterschied zwischen uns und ihnen? Qu'est-ce que la différence entre eux et nous? We say yes to the truth. Wir sagen ja zur Wahrheit. But they say no to the truth. Also sagen nein zur Wahrheit. Eux, ils refusent la vérité, mais nous, on accepte la vérité. C'est ça la différence entre nous et eux. You know, you call them dumb. Er hat alles fast genannt. Il a pris tout la poubelle. Il est Philippe entré. Amen. He said, I have to call them dumb so that I can win Christ. Und er hat gesagt, er muss if not, they will take me. Diese Dinge missnennen. Er muss sie jetzt missachten, sonst werden sie mich wieder zurückverführen, zurückbringen. Et puis il a dit que je dois appeler tout de la poubelle, sinon je vais retourner à la famille, ou bien, oui, à ma famille charnelle. Even though no doubt they were again for me in the past. Auch wenn sie für mich. I was proud of them in the past. Mm-hmm. Auch wenn ich vorher als stolz darauf war. It's everything. Auch wenn es ein Gewinn if für you mich war. Philippians 3. Und es bezieht sich nicht nur auf Bildung. Et même si ça a été un gain pour moi au passé, puis j'ai été vraiment fière d'appartenir à cette famille, je dois maintenant appeler mon passé la poubelle. Praise the Lord. On va lire Philippiens 3. Amen. Philippiens 3, verset 7. Philippiens 3, versets 7 et 8. Amen. Amen. Look at it. He said, but what things were gained to me? Those I count loss for Christ. They were once gained for me. Sie waren einst ein Gewinn für mich. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. If somebody have been proud of the family, I have been so proud of them. Wenn jemand stolz sein müsste auf seine Herkunft, the mother, seine Familie, the father, brother, the sisters. Das sagt hier. Donc Paul nous dit s'il y a quelqu'un qui était fier de sa famille, là ça signifie que c'est moi qui peux même dépasser cette personne. Somebody getting it. Mm. It has been all about them in my life. Es ging mir immer nur um sie. Et il s'agissait seulement d'eux dans ma vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I cannot do without them. Ich kann nicht ohne sie leben. Je ne peux pas vivre sans ma famille. I honor them. Ich ehre sie. J'honore ma famille. Amen. Because I only see them as my family. Denn ich sehe nur sie als meine Familie. Okay, je le vois vraiment comme ma propre famille et ma Praise seule famille. The Lord. Hallelujah. Then in verse 8, it says, yea, doubtless. And I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Amen. Jesus, my God, for whom I have suffered the loss of all things. And do count them but dung, that I may win Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We do not have to count and I have to see them dead. Ich muss es alles tot sehen, damit ich Christus gewinne. Et je dois voir mon passé comme mort pour gagner Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we drop things, but we never allow them to die. Wir lassen Dinge los, aber lassen nicht zu, dass sie sterben. Et on laisse tomber les choses, mais on ne permet pas qu'ils meurent. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We drop things, but we never allow them to die. Wir lassen Dinge los, aber lassen nicht zu, dass sie sterben. On fait tomber des choses, mais on ne permet pas qu'ils meurent. Praise the Lord. Hallelujah. Go to John 12, please. Johannes 12. John 12. Amen. Amen. If we see them dead, we will never go back there. Wenn wir es als tot sehen, dann werden wir niemals wieder zurückgehen. Si on voit ces choses comme mort, on va pas retourner. We believe they are still alive. Wir glauben, dass sie immer noch am Leben sind. Mais on croit qu'ils sont toujours vivants. You know, we will never go back to shit. Du gehst niemals zurück zu Mist. Mais toi, tu ne retournes jamais à la poubelle. Praise the Lord. Amen. Verse 24. Johannes 12, Vers 24. Jean 12, verset 24. It's a verily, verily, I say unto thee. Except a corn of wheat fall into the ground and die. Praise the Lord. Hallelujah. Will you allow it to die? Wirst du zulassen, dass es stirbt? Tu vas permettre que ça meure. Amen. Mm-hmm. There's a message I'm going to preach very soon. How to allow things to die. Es gibt eine Botschaft, die ich bald mit euch teilen werde, wo es darum geht, wie wir zulassen, dass Dinge sterben. Et bientôt, je vais parler aussi sur Oui, le sujet comment permettre que les choses meurent. He said and die. If it abided alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Mm. Do we allow it to die? Das fait zu, dass es stirbt. Verset 24, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais est-ce qu'on permet que ce grain meure? Praise the Lord. Amen. You know, Jesus called them dead. Jesus said, allow the dead to bury their dead. Jesus hat sie tot genannt. You just choose that they are alive. Aber wir denken immer noch, dass sie lebendig sind. Et Jésus-Christ les a appelés morts. Il a même dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais nous, on les voit toujours comme s'ils sont en vie. Amen. Because we love the past. Weil wir die Vergangenheit lieben. Parce qu'on aime toujours le passé. We are still attached to them. Wir sind immer noch mit ihnen verbunden. Nous sommes toujours attachés. Amen. If you believe something is dead or somebody is dead and buried, you know everything you have about him will be gone. Wenn du glaubst, dass jemand tot und begraben ist, dann ist alles von dieser Person weg. Es ist vorbei. Et si tu crois qu'une personne est morte et enterrée, là c'est fini. Tu vas pas y tenir au passé. Amen. Verse 25. Look at verse 25. Verset 25. It's a he that loveth his life shall lose it. Mm. And he that hated his life in this world shall keep it unto life eternal. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. You love the old life. Du liebst das alte Leben. Keep on keeping it. Und deswegen bewahrst du es. Mais toi, tu aimes l'ancienne vie et tu fais tout pour le retenir. You love the old family. Du liebst die alte Familie. Tu aimes l'ancienne famille. You know the love of the past. You know if any man be Christ, a new creature, all things. Pass away, but you refuse to allow them to pass. Wenn jemand Christus ist, ist das Alte vergangen. Alles ist neu geworden, aber du lässt nicht zu, dass alles neu wird, weil du das Alte nicht loslassen kannst. Et la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, l'ancien est passé et tout est nouveau, mais toi tu ne permets pas que tout devienne nouveau dans ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 26, it said, if any man serve me, let him follow me. Verset 26. Praise the Lord. Hallelujah. You know, don't give people two. Give them one. Gib Leuten nicht let zwei Optionen. Let him follow me. Gib ihm nur eine. Et ne donne pas les gens deux choses. Permet qu'ils suivent seulement une chose qui est Jésus-Christ. Allow it to be Christ alone. Lass let him follow Christus me. Don't say follow me and. Er hat gesagt, folge mir und. Sondern nur folge mir. Et suis seulement Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a dit suis-moi. Il n'a pas dit suis-moi et quelque chose d'autre. Amen. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If we go to Mark 10. Wenn wir zu Markus 10 gehen, Peter. Und das von Petrus sehen. We are talking about Paul. Look at Peter. Maintenant, va lire Marc 10 et puis voir l'exemple de Pierre. Markus 10. Mark 10, verse 28. 28. Marc 10, verset 28. Praise the Lord. Hallelujah. What can we not live for Christ Jesus? Was kann für Christus what is it that is too hard? Qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser pour Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est trop, oui, qu'est-ce qui est difficile de quitter? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then Peter began to say unto him, Lord, we have left all, and now we are going to leave all. Nicht, wir werden alles verlassen und wir haben alles verlassen. Verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous avons nous t'avons suivi, donc nous avons tout quitté, pas on va tout quitter. I'm not just leaving all, we left all and follow you. You know, a lot of some people can leave, they leave natural family, here in Europe, they leave family, but they follow themselves. But here he's saying, we left all and we follow you. There's a difference between leaving all and following yourself and leaving all and following Christ. Amen. Und er sagt hier ganz klar, wir haben alles verlassen und sind die nachgefolgt. Denn viele Leute, besonders auch in Europa, sind daran gewohnt, ihre Familie hinter sich zu lassen. Für eine Beziehung, für ein Studium, für eine Karriere. Das machen sie für sich selbst. Aber es geht darum, wer das tut für Christus, um Christus danach zu folgen. Et verset 28, dans verset 28, Pierre dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, tu dois savoir que ce n'est pas seulement que tu quittes tout, mais tu dois aussi suivre Jésus-Christ. Parce qu'ici en Europe, beaucoup de gens sont capables à quitter leur famille, à quitter leur passé pour des études, mais pour leur travail, mais ils suivent seulement leur soi et pas Jésus-Christ. Et puis c'est ça pourquoi on doit suivre Jésus-Christ et pas seulement quitter quelque chose sans le faire. We left all, including the beloved family. Wir haben alles verlassen, auch die geliebte Familie. Nous avons tout quitté, même la famille qu'on aime. Amen. Praise the Lord. Amen. Including the beloved family. Und die einst geliebte Familie. Et nous avons tout quitté, même la famille bien-aimée. Amen. Then in verse 29, Jesus talked about the family, the past family. In 29 spricht Jesus über die vergangene Familie. Et dans verset 29, Jésus-Christ parle de la famille ancienne. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or mother, or father. He's talking about family. Spricht hier über Familie. Or wife, or children, or land, for my sake and the gospel. Praise the Lord. Hallelujah. It's only Christ as your family. Amen. Nur Christus als deine Familie. Seulement le Christ est ta famille. We don't have two families. Wir haben nicht zwei Familien, one family, aber eine. That's Christ Jesus. Amen. Und das ist Christus Jesus. Nous avons pas deux familles. Nous avons seulement le Christ comme famille. Then in verse 30, he said, but he shall receive 100-fold. Verset 30. Now in this time, houses. And brethren, and sisters, and mothers, and children. You know, another family entirely. Eine andere Familie empfängt er. Amen. Et puis, dans verset 30, Jésus-Christ nous dit qu'on va avoir une famille différente. Praise the Lord. Amen. Amen. And he said, with persecution. Und mit Verfolgung. People are going to hate you. Leute werden dich hassen. The world will hate you. Die Welt wird Family dich will hate you. Familie they will call you names. Friends will call you names. Verfluchen, beleidigen. Mais on va tout recevoir avec des persécutions parce que ta famille, ta mère, tes amis, tes collègues, tout le monde va te détester. There will be fights. Es wird einen Kampf geben. Il y aura un combat. Because people will hate you. Weil Leute dich hassen werden. Parce que les gens vont te détester. They will write, remove your name from the family, from the family, whatever. They will remove your name. Auslöschen, ausradieren aus irgendwelchen Familien. But the family get together. That had the Satan get together for years. Die immer wieder Satan als Kopf hatten und immer noch. Et ils vont même effacer ton nom s'il s'agit de la famille, si la famille veut des réunions. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The old family must become dead to you. Die alte Familie muss tot für dich sein. La famille ancienne doit être mort pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go to 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5. On va lire 2 Corinthiens 5. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5. You know where I'm going already. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. Verse 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Amen. He said, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. If you are really in Christ, wenn du wirklich if you Christus are truly bist, in Christ, wenn du wahrhaftig in Christus bist. Verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, si tu es vraiment, réellement en Christ. Amen. Amen. I'm not saying if you are in religion. Nicht wenn du in Religion bist. In Christ. Wenn du in Christus bist. Je ne dis pas si tu es dans la religion, mais je dis si tu es en Christ. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Amen. Amen. Go to Matthew 8, please. Matthieu 8. On va lire Matthieu 8. We don't preach what is not in the Bible. Wir predigen nicht etwas, was nicht in der Bibel ist. On ne prêche pas quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Amen. Amen. All the messages are coming from Christ. All die Botschaften kommen von Christus Jesus. Et tous nos messages viennent du Christ. Amen. Amen. We love everybody. Wir lieben jeden. Und Amen. We hate Satan. Und wir hassen den Satan. Und detesten den Diablo. We know that Satan. We know how he works. He walks through the flesh. He walks through family. Wir wissen, wie der Satan arbeitet. The system of this world. Er arbeitet durch das Fleisch, durch die Familie, durch das System dieser Welt. Et on sait comment le diable travaille. Il travaille à travers le système de ce monde. Il travaille à travers la chair, à travers la famille. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. From 19 to 22. 19 bis 22. Matthieu 8, verset 19 à 22. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee, whithersoever you goest. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And Jesus said unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nets, but the Son of Man have nowhere to lay his head. So are all of us here today. Und so sind wir alle. Et c'est comme ça nous sommes, nous tous nous sommes. Amen. Amen. All of us today. Amen. Amen. This house is for everybody. Dieses Haus ist hier für jeden, für uns alle. Cette maison est pour tout le monde. Your phone, your flat is for everybody. Deine Wohnung ist für alle. Ta maison est pour tout le monde. Amen. Amen. What belongs to you belongs to me. Was dir gehört, gehört mir. Ce qui appartient à moi, ça appartient aussi. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus said, no home. Jesus sagt kein Zuhause. I cannot say here is my house because it's also your house. Ich kann nicht sagen, dass das mein Haus ist, weil es auch dein Haus ist. Il a dit, je ne peux pas dire que c'est ma propre maison parce que ça appartient aussi à toi. We are sitting in the same boat. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Inside the same boat. Im gleichen Boot. Nous tous nous sommes assis dans le même bateau. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. 21. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. And Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead. You must see them already dead. Du musst sie als tot sehen. If not, you cannot get out of them. Sonst wirst du nicht aus ihr herauskommen können. Sinon, tu peux pas sortir d'eux. Praise the Lord. Hallelujah. Allow the dead to bury their dead. Lass zu, dass die Toten ihre Toten begraben, denn sie sind tot ohne Christus Jesus. Et permet qu'ils soient morts parce que sans le Christ ils sont morts. Amen. Amen. Jesus called them dead. Jesus nennt sie tot. Et Jésus-Christ les appelle morts. Amen. Amen. The old family. Die alte Familie. Without Christ, because they keep on ignoring and rejecting Christ. Weil sie Christus Jesus ignorieren. Dead. Sind sie tot. Et la famille ancienne est morte parce qu'il ne permet pas que Jésus-Christ règne dans leur vie. Go to Luke 15. Please. Lucas 15. Luc 15. Verse 24. Verset 24. Luke 15, please. Amen. Amen. Verse 24. The prodigal son. Es geht um den verlorenen Sohn, der einst tot war. Amen. On va lire Luc 15, verset 24, où il s'agit du fils perdu. Amen. Amen. We were once dead. Wir waren alle einst tot, aber jetzt sind wir lebendig durch Christus Jesus. Amen. Amen. Amen. Nous avons été morts, maintenant nous sommes en vie grâce à Jésus-Christ. The door is open for them to come in. Die Tür ist auf, um auch reinzukommen. Et leur, notre porte est aussi ouverte pour qu'ils entrent aussi. You see what is there? Mm. He said, for this my son was dead and is alive again. Amen. He was lost and is found. Amen. And they began to marry. Praise the Lord. Hallelujah. Then you were once dead. Du warst einst tot. Tu as été like mort. That. So wie sie. Tu as été mort comme eux. Amen. Amen. We thank the Lord that Wir danken dem Herrn, dass wir in der Lage waren, Buße zu tun und ihm zu folgen. Et on remercie l'Éternel que nous avons été capables à se repentir et de rentrer à lui, à retourner à lui. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that the Lord called them dead here. Der Herr nennt Don't sie call tot. Them something else. Nennen sie nicht etwas anderes. Call them what the Lord called them. Nennen sie so, wie der Herr sie nennt. Et on peut voir que Jésus a appelé une famille charnelle mort et qu'on doit apprendre de les appeler comme Dieu les appelle. Amen. Amen. We just read that this man was once dead, but now. But now we thank the Lord for repentance. Wir haben gelesen, dass dieser Mann einst tot war, aber danke Gott für Buße, für Christ Umkehr. Christus liebt Umkehr. Et on peut voir que oui, la personne a été morte, mais la personne s'est repentie. Puis Jésus-Christ, il aime la oui la repentance. It is like us. So wie wir. La même chose avec nous. We were once dead. Wir waren einst tot, alle, wir alle. Nous tous, nous avons But été now. Morts. Aber heute, ja, jetzt, if you go to Ephesians 2, Epheser 2, praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Please call them what the Lord called them. Benutze bitte die gleiche Bezeichnung wie der Herr. Nenne sie tot, wenn er sie tot nennt. Und sehe sie auch so. Amen. Denn ihr wisst, von wo dieser Tod herkommt. Vom Sündenfall. Gott hat zu Adam gesagt, dass wenn du mich missachtest, wirst du sterben. Wenn du mich missachtest, wirst du zu einem toten Menschen. Praise the Lord. Halleluja. Adam disobeyed God. Adam hat Gott missachtet. Though he was still here on earth, but he was a dead man. Obwohl er hier auf Erden war, war er ein toter Mensch. Bien qu'il était toujours ici sur terre, il a été un homme mort. Praise the Lord. Halleluja. Ephesians 2 from verse 1. Epheser 2 von Vers 1. From 1 to the end. 1 bis zum Ende bitte als Hausaufgabe. Ephesians 2 verse 1 jusqu'à la fin, c'est notre devoir. Amen. Amen. If you read here, it's very interesting. Wenn wir das hier lesen, ist es sehr interessant. He said, "And you heart, he quickened, who were dead in trespasses and sins." Verse 2. Vers 2. Where in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now walketh in the children of disobedience. Wir waren einst wie sie, aber wir danken dem Herrn für diese Umkehr. Verset 1 à 2 nous montre que nous avons aussi été morts comme eux, mais on remercie Dieu pour la repentance. Amen. Amen. Among whom also we all had our conversation in time past, 3. In the lust of our flesh. You see it? Please read it, because of time we will not be able to go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Please let it be your home. Lass zu, dass es eure Hausaufgabe ist. Oui, faisait l'effort de lire Ephésiens 2 à la maison. Praise the Lord. Hallelujah. We have, you know, we have just studied that of the family that we have. I have to make everything short because a lot of messages we still have. Amen. We have just one family. That is Christ. Wir haben eine Familie und das ist Christus Jesus, das ist unsere Familie, nicht zwei. Nous avons seulement une comme notre famille, puis c'est la famille de Christ. Amen. Amen. And also now we have just one country. Und jetzt haben wir auch nur ein Land. Maintenant nous avons seulement un pays. Which is the kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels. Qui est le royaume des cieux. If you go to Genesis 12 again. Wenn wir nochmal zurück zu 1. Mose 12 gehen. Let's go there again. And see. Is there? Praise the Lord. Hallelujah. Even the old. He said, you have to leave your country, the natural country, and come into the supernatural country. Du musst dein altes Land, das natürliche Land verlassen, zurücklassen und in das übernatürliche Land eingehen. Et tu dois quitter ta, ton pays charnel et puis entrer dans la, dans, au pays surnaturel. Praise the Lord. Hallelujah. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of your country. Amen. 1. Mose 12, 1. Out of your country. Raus aus deinem Land. Out of your family. Aus deiner Familie. Out of your father's house. Raus aus dem Haus deines Vaters. In ein Land, was du nicht kennst. In einen Ort, den du nicht kennst. You might not know it at all, but it's the kingdom of heaven. Und dieser Ort ist das Königreich des Himmels. Du kennst ihn vielleicht nicht, aber er ist dieser Ort. Et sort même aussi de la maison de ton père, puis vas-y là où je t'envoie dans, dans mon, mon royaume, même si tu ne connais pas mon royaume, tu ne connais pas mon pays, mais c'est là où tu es. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Abraham, now, you know, he did not even know where he was going to. Abraham wusste nicht, wohin er geht. But he believed the only true God. Aber er hat dem einzigen wahrhaften Gott geglaubt. Et Abraham, il ne savait pas où est-ce qu'il il, il partira, mais il a cru en Dieu. You know, if we want to rent a house, we first of all go there and see if it's better than where we are coming from. Mm-hmm. Amen. But that was not Abraham. Abraham did not even know where he was going. If it was even going to be war, he just left. He believed God and just obeyed the voice. Wenn wir beispielsweise irgendwo hingehen wollen würden, ein Haus oder ein Hotel, würden wir uns das Hotel erstmal anschauen, bevor wir uns entscheiden, da eins zu checken. Aber Abraham, da war das nicht so. Er musste erstmal losgehen. Et, si par exemple, tu veux acheter une maison ou bien louer une maison ou bien une chambre, là tu vas toujours, tu vas faire tout pour d'abord visiter cette chambre puis de, pour voir si c'est bien ou pas. Praise the Lord. Mais dans le cas de, d'Abraham, on peut voir qu'il ne savait même pas où est-ce qu'il va, il va aller. Amen. Amen. You know, we are traveling very soon to Nigeria. And all of you know, we will say, where are we going to sleep? Where are we going to stay? Obey the voice of Christ and just move. Wir werden bald nach Nigeria verreisen und viele von uns fragen sich, wo werden wir schlafen, wo werden wir bleiben, aber gehorche der Stimme des Herrn und bewege dich einfach, ne? Bewege dich einfach voran, lass nicht zu, dass es zu einem Problem wird für dich. Bientôt on va aussi voyager au Nigeria et il y a des, oui, des gens qui se demandent bon, où est-ce qu'on va dormir, comment ça va être, mais ne permets pas que ça t'occupe, ça te préoccupe. Obéissement à la voix du Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Abraham never returned to the old country. Abraham ist niemals wieder zurück in das alte Land gegangen. Et Abraham est jamais retourné au pays ancien. For him, the past country was dead and buried. Für ihn war das vergangene Land tot und begraben. Parce que le pays ancien a été mort et enterré pour lui. Praise the Lord. Hallelujah. Please let us obey his voice. Lasst uns bitte seiner Stimme gehorchen. On va vraiment obéir à sa voix.